chez le melon, fiche à loup, de la proue à la poupe. Maître Hancock, Herbie. Chapeau, Adam Long, Laurel et Hardy. Vos sangles sont chez ceux, haut de gamme plein les poches. Ils dansent sur des os, sans casser une croche. Chapeau, Maître Herbie, Maître Herbie and Koch, Maître Herbie and Koch, Maître Herbie and Koch.